Lettre 90e, Constantin à Agathoclès, Salone, janvier 304. Lorsque nous nous séparâmes à Byzance, toi pour te rendre à Athènes auprès de ton ami avec ta charmante Théophanie, et moi à Rome pour être témoin du triomphe d'Auguste, je ne croyais pas que les événements dont nous nous entretenions comme d'une chose encore éloignée reprendraient aussitôt leur puissante influence et nous forceraient à accélérer nos plans et nos projets. Ils auraient exigé sans doute plus de maturité et une réflexion plus approfondie. Mais cela ne dépend pas de nous et le temps approche où nous devons agir. Tu connais la manière dont Galerius supporta l'espèce de dédain que lui manifesta Dioclétien, en l'excluant ainsi que mon père de son voyage à Rome et d'assister à son triomphe, tandis que Maximien fut invité à s'y rendre. Tiridate ne fut pas mieux traité. D'après la manière distinguée dont Dioclétien l'avait reçu, approuvé son second mariage avec la fille du proconsul Pison et donné à l'occasion de ses noces les fêtes les plus superbes, le roi d'Arménie se mit en devoir de suivre Auguste à Rome pour être témoin d'une pompe à laquelle sa valeur, dans la dernière campagne contre les Perses, lui donnait le droit d'assister. Il se faisait un bonheur de conduire sa nouvelle épouse dans sa première patrie avec tout l'éclat de sa nouvelle dignité, et la belle Calpurnie n'eût pas été insensible. Mais un ordre d'Auguste obligea Tiridate à partir pour Ecbatane et renvoya Galerius à Smyrne. Les anciens usages qui attribuaient aux seuls empereurs tout le mérite des victoires faites sous leur règne fournissaient à Dioclétien un prétexte plausible, mais ne satisfaisaient point l'amour-propre de l'orgueilleux César, qui ne savait que trop et sentait profondément que son bras seul avait gagné les lauriers dont Dioclétien voulait se parer à Rome. Je le vis supporter avec un calme et une souplesse vraiment inouïe cette mortification. Mais je me doutais bien que cette tranquillité apparente serait le signal de l'orage qui allait éclater, et la preuve que Galerius était sûr de son fait, c'est la facilité avec laquelle il sut cacher son dépit sous les dehors d'un courtisan soumis, malgré son rang et ses prétentions à un pouvoir supérieur. Je te communiquais déjà alors mes craintes. Tu parus ne pas voir les choses comme moi et je te renvoyais à l'avenir. C'est à cette époque que j'arrivais avec Auguste à Ostia, après une traversée des plus heureuses. Tu me permettras de passer sous silence les fêtes, les réjouissances, son entrée triomphale et tout ce qui s'ensuit. Assez de crayons seront en mouvement pour en tracer le récit et tu pourras facilement en être instruit si tu ne l'es déjà. D'abord après, Dioclétien, irrité de l'importunité et des débauches du peuple de Rome, quitta inopinément l'ancienne capitale du monde qu'il ne voyait que depuis quelques jours. Nous partîmes à la fin de décembre et au milieu des Saturnales. Mais Dioclétien fut atteint à Kylée d'une faiblesse subite, qui fut suivie de symptômes dangereux. Il fut obligé de s'arrêter, et comme la saison était très rude, il ne put continuer son voyage qu'à très petites journées. Il était impossible de se rendre à Nicomédie, et il choisit un séjour plus tranquille et un climat plus doux. Il se fixa à Salone, où l'on travaille déjà depuis longtemps à construire pour lui un palais magnifique, ce qui me confirme dans mes soupçons, remarquant surtout l'activité avec laquelle on s'occupait à finir l'arrangement de cette somptueuse demeure. C'est donc ici que nous sommes actuellement, et comme Dioclétien me témoigne toujours plus d'intérêt, peut-être par des motifs secrets, et qu'il paraît éprouver un grand plaisir à m'avoir auprès de lui, tu sentiras qu'il m'est impossible de le quitter, et je prévois que je ne retournerai à Nicomédie qu'avec Auguste. Nous avons appris ici que Galerius a célébré à Smyrne les fêtes de la 20e année du règne de Dioclétien, avec une magnificence et une pompe qui doivent flatter Auguste. Mais son caractère altier, dissimulé, et sa haine invétérée ne me laisse aucun doute sur ses projets. Une nouvelle circonstance la confirme encore. Le premier médecin de Dioclétien était au service de Galerius, qui l'a cédé dernièrement à l'empereur, pour lui témoigner son respect, sa soumission, et son désir qu'il pût le soulager. Je viens d'apprendre que cet homme, entièrement dévoué à César, en tire encore une pension considérable. Je pense que d'après tous ces détails, tu jugeras ainsi que moi que la crise n'est pas éloignée. Tu peux bien penser que je ne perds de vue aucune des circonstances qui peuvent nous guider. Mon esprit tranquille, mon peu d'exaltation qui fut si souvent le sujet de tes plaisanteries et de celles de Théophanie, mais d'une grande utilité dans ces temps-ci. Il ne faut rien négliger, rien presser. Jugez tout à sa juste valeur, et plus les événements nous entraînent, plus il faut conserver de sang-froid et de présence d'esprit, et ne jamais perdre de vue le seul point dont tout dépend. Mon père fut extrêmement blessé d'avoir été négligé par Auguste, et d'avoir à supporter ce qui n'aurait dû frapper que Galerius. Cependant, par des motifs plus nobles que ceux de César, il a su se faire violence et s'est conduit dans cette occasion en homme d'esprit et en prince sage. Les fêtes ont été aussi célébrées à Eboracum avec autant de pompe que dans les autres grandes villes de l'Empire. Mais point de basse adulation, aucune joie immodérée n'a obscurci la conduite de mon père. Il m'a écrit, sa lettre s'est remplie d'inquiétude à mon égard, il connaît les intentions perfides de Galerius, il est instruit de la mauvaise santé de Dioclétien. Il craint une catastrophe décisive, et ma présence dans un pays sous le sceptre de César, inondé de ses créatures, lui cause de vives alarmes. Pour moi, je suis assez calme, parce que je connais la nature des dangers que je cours, et les moyens que j'ai en main pour m'y soustraire. Mais en même temps, je conçois qu'à une telle distance et sans nouvelles positives, il doit être en peine de moi. Il me mande qu'il va m'envoyer l'instituteur de ma jeunesse, mon bon et fidèle Florianus, à qui je suis attaché comme tu l'es à ton cher Phocion, et qui me donnera, soit de vive voix, soit par des papiers dont il est le porteur, des nouvelles et des conseils indispensables dans ma situation et qui ne peuvent être confiés à des lettres dans l'état de crise où nous sommes. Je me réjouis beaucoup de le revoir après une si longue absence, mais je crains qu'il n'ait beaucoup changé. Tu connais l'histoire de la passion qui a troublé sa vie, si belle et si tranquille autrefois. Voilà un motif de plus de me féliciter de cette froideur de mon cœur que vous me reprochiez, et dont je trouve que je dois me réjouir. Florianus pouvait être le plus sage et le plus heureux des hommes, et qu'est-il maintenant? Seulement une preuve de plus de la fatale influence de la passion de l'amour, si l'on se laisse aller à boire une seule goutte de sa coupe empoisonnée, même dans l'âge mûr. Cependant, combien de vertu et de grandeur d'âme il lui reste encore après son naufrage? Si tu le vois à l'Oréacum, comme je n'en doute pas, félicite-toi d'avance de faire la connaissance d'un homme excellent sous tous les rapports, et de le nommer ton ami. Il le sera sûrement les mêmes déjà, car il te connaît par mes lettres. Salue de ma part Théophanie et reçois l'assurance de toute mon amitié.